Et bien, bienvenue à toutes et à tous à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Christian Pigeon dans le cadre d'une manifestation presque bien rodée, on va dire, qui s'appelle Le Livre en question, qui est organisée depuis maintenant 2 ans donc en collaboration étroite entre la Bibliothèque de la Sorbonne et la Maison des Écrivains et de la Littérature. C'est une manifestation originale, puisqu'en fait, elle essaye de faire, de permettre à un auteur de découvrir de manière approfondie ce qu'est une bibliothèque dans ce qu'elle n'a pas forcément toujours de visible. C'est personnel, c'est lieu caché, c'est fonctionnement opaque, occulte, et aussi c'est évidemment ses collections, pour à partir de ce matériau très riche, hein, très large, puisque nous on a quand même 2 millions de documents aussi par ailleurs, et puis qu'on est aussi une grosse équipe, à partir de ce document, faire produire une création, un texte original. Et donc, en fait, ce texte, il est restitué lors d'une séance publique et ensuite publié. Voilà, par les éditions de la Sorbonne. Ça sera l'année prochaine. Donc, c'est toujours... Donc, on ne sait pas du tout, en fait, ce que va être le dispositif. Et donc, Christian Pigeon va nous présenter. Donc, je vais laisser la parole à Sylvie qui va... Je ne vais pas présenter Christian Pigeon. Mais si, sur toi. Merci Laurence. Merci Laurence, d'autant plus que l'équipe de la bibliothèque interuniversitaire a fait une exposition que je trouve formidable. Elle est dense, elle est petite, mais elle dit vraiment le principe même de ces rencontres qu'on a imaginées ensemble. C'est vrai que ce sont des équipes qui se sont rencontrées, des lecteurs. Et je suis très contente puisqu'on y a aussi, vous avez aussi mis en place un système, une manière d'écoute qui permet de réentendre les auteurs qui sont venus précédemment, puis un choix de phrases extraites des textes qu'ils ont produits. Il y a ce petit livre que moi j'aime beaucoup parce que 5 euros, c'est vraiment pas cher et franchement je le trouve très très joli. Et puis les textes sont épatants. Voilà. Donc Christian Pigeon... que ceux qui ne le connaissent pas ici lèvent la main. Christian Pigeon est un poète. Christian Pigeon n'est pas un poète. Voilà, non, ça ne suffit pas. Bon, vous le savez, qu'est-ce que je pourrais dire pour essayer de ne pas me tromper? Il a fondé, mais puisqu'on vient de célébrer TXT avec lui et ses amis qui sont là, Jacques Demarc, entre autres, il a fondé des revues importantes dans des courants littéraires qui s'imposaient aussi à la fois, j'allais dire, poétiquement, intellectuellement, pour faire autre chose. Et peut-être que pour résumer ce faire autre chose, j'aimerais lire la 4e de couverture de Poésie Place qui vient de paraître aux Presses du Réel, Projet. Alors c'est un livre son, texte plus son, puisqu'il y a un CD dedans, où on entend Christian et Vanda, qui vont lire ensemble aussi ce soir le texte inconnu de nous tous, découvert, enfin, fruit de cette expérience bibliothèque de Christian Pigeon. Donc Projet, faire éprouver le poids de langue hétérogène, incentré, troué et dissonant, dont est faite la rumeur de fond, d'où tout écrit tire le matériau qu'il va formaliser. Cette rumeur, c'est l'expérience, non pas la vie nue, une nature hors langue, mais le réseau des représentations toujours déjà verbalisées, dans lequel nos vies se déplacent, se déforment et se reforment. Donc voilà, lire Christian Pigeon, c'est une expérience totale. Lire à voix basse comme lire à voix haute, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Il vient de publier ce petit livre, mais ce que moi aussi j'ai aimé dans ce parcours que fut le mien et qui est toujours le mien de lectrice de Christian Pigeon, ce sont aussi les essais, bien sûr, je pense à Ceux qui merdent, mais aussi Salut les anciens, salut les modernes, par exemple. Ça, c'était évidemment chez POL, qui est le principal éditeur de Christian. Voilà, et Christian Pigeon a reçu le grand prix de poésie de l'Académie française en 2018, puis un colloque à Cerisier lui fut consacré naguère. Voilà. Ismaël, tu as une question, mais je ne sais pas si je vais y répondre. Quand tu as fini, est-ce que tu pourrais appuyer sur le petit bouton pour éteindre la lumière? Voilà, merci à tous et Christian, à toi. Merci, merci. Je vais parler principalement de Rabelais, ou plutôt, en tout cas à partir d'un certain moment, avec Rabelais, enfin, je vais essayer, raison pour laquelle vous avez là le portrait du monsieur. Mais je vais commencer, ce que je n'avais pas prévu de faire, mais je vais commencer par une petite lecture, parce que les événements d'hier soir et de cette nuit m'ont incité à le faire. Voilà. Et je vais vous lire un texte que je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le chapitre 17 du Gargantua. Et le titre de ce chapitre, c'est « Comment Gargantua paya sa bienvenue est-parisien ?» Et comment il prit les grosses cloches de Notre-Dame. Quelques jours après qu'ils se furent rafraîchis, ils, c'est le pluriel, c'est les compagnons de Gargantua, il visita la ville et fut vu de tout le monde en grande admiration. Car le peuple de Paris est en sot, tant badaud et tant inepte de nature qu'un bateleur, un porteur de rogaton c'est les reliques, en fait, un mulet avec ses cymbales, un vielleux au milieu d'un carrefour assemblera plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. En avis au poète, il chercherait un public. Et tant molestement le poursuivirent qu'il fut contraint soit reposer sur les tours Notre-Dame. Auquel lieu étant, et voyant tant de gens alentour de soi, dit clairement « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paie ici ma bienvenue et mon proficiat. Ces raisons, je leur vais donner le vin, mais ce ne sera que par ri. » Ri écrit R-Y-S, savoir par calembour, par plaisanterie, pour rire. Laure, en souriant, détacha sa belle braguette et tirant sa mantule en l'air, les compissa si aigrement qu'il en noya 260 410 et 8, sans les femmes et petits-enfants. Quelque nombre lisseux évada ce pisse-fort à légèreté des pieds. Non, ceux qui courent vite se font pas pisser dessus. Et quand furent au plus haut de l'université, c'est-à-dire là où nous sommes, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, commencèrent à renier et jurer, les uns en colère, les autres par ri. Carimari, Carimara, par Sainte Mamie, nous sommes baignés par ri, dont fut depuis la ville nommée Paris, laquelle auparavant on appelait Lucès, comme dit Strabon, liber partus, c'est-à-dire en grec blanchette, pour les blanches cuisses des dames du dit lieu. Ce fait considéra les grosses cloches qui étaient S dites tours, et les fit sonner bien harmonieusement, ce que faisant lui vint en pensée qu'elle servirait bien de campagne au coup de sa jument, campagne clochette, laquelle il voulait renvoyer à son père, toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. De fait, les emporta en son logis. Toute la ville fut émue en sédition, comme vous savez qu'à ceux, ils sont tant faciles. Tant faciles que les nations étranges s'ébahissent de la patience des rois de France, lesquels autrement, par bonne justice, ne les réfrènent, vu les inconvénients qui en sortent de jour en jour. Voilà. Je ne continue pas parce qu'après, toute une série d'épisodes pour savoir comment la population de Paris va récupérer les cloches, etc. Voilà, petit clin d'œil à Notre-Dame de Paris. Alors pour revenir à ce qui s'est mis en place dans le cadre du programme qui vous ont été décrit tout à l'heure, à savoir le livre en question, moi je suis venu ici au mois de février pour voir donc les lieux, les collections, rencontrer les personnes qui sont responsables de ce lieu, et j'ai été accueilli en particulier par Ismaël qui est ici là, et qui m'a immédiatement orienté vers Rabelais, voilà, vers ce qui existe de l'œuvre de Rabelais dans les collections de cette bibliothèque. Voilà. Il l'a fait évidemment, je vais demander à lui, mais parce que le travail que j'ai fait dans la prose et dans la poésie, alors souvent on l'a associé à l'œuvre de Rabelais, pour diverses raisons, peu importe lesquelles pour l'instant. Et puis parce que la revue TXT à laquelle faisait allusion Sylvie tout à l'heure a consacré à Rabelais en 1987 un numéro, c'était le 21, on peut avoir la deuxième image. Voilà, vous aussi. C'était un numéro, comme vous voyez, intitulé la dégelée Rabelais en liaison avec le fameux épisode des paroles gelées dans le Quart Livre. Voilà. Et c'était un numéro qui comportait des textes de spécialistes de Rabelais, enfin, je ne sais pas quelle connaissance vous avez de ce monde-là, mais comme Manuel Le Dieguez, par exemple, et comme Jean Paris. Et puis des fans de Rabelais, des enthousiastes de Rabelais, comme Alain Frontier qui est ici, comme François Bon, qui venait de publier un livre sur Rabelais aux éditions de Minuit, et comme Valère Navarina également. Voilà. Alors, Ismaël avait d'abord extrait des collections un livre que j'ai donc officiellement emprunté, donc pour montrer que j'ai fait mon job, voilà, ma fiche lecteur. Ça, c'est un livre qui rassemble les actes d'un colloque sur le tiers-livre qui a eu lieu à Rome, à une date que j'ai oubliée, mais je vais quand même la dire, en 1996. C'est publié dans les séries qui s'appellent les études rabelaisiennes, chez Genève, chez Drault, en 1999. Donc c'est une série d'exposés, de conférences sur Rabelais, en particulier les rapports de Rabelais avec l'Italie, les rapports de Rabelais avec la littérature italienne de l'époque, dans laquelle il a souvent été chercher de grandes épopées populaires qui comportent les figures des géants qu'on retrouve ensuite dans sa propre littérature. Et dans ce volume, j'ai trouvé référence à un livre, lui, beaucoup plus énigmatique, intitulé le Silvius au Creatus, Silvius le beauté, au Crea en latin, les guêtres, les bottes, et qui est un dialogue philosophique en latin, faire du latin, c'est pas trop de mal, on peut avoir l'image peut-être. Voilà. Le personnage qui est en scène dans ce texte est un certain donc Jacopus Silvius, retourné en français Jacques Dubois, tout bêtement, qui était un lecteur de médecine, enfin, lecteur royal de médecine, et qui était le collègue de Rabelais dans ces années 1929-1930. Voilà. Donc Rabelais lui-même, c'est un livre qui est publié 2 ans après la mort de Rabelais. Rabelais lui-même intervient dans ce dialogue, participe à ce dialogue, peu importe les sujets du dialogue et le contenu de ce livre, mais évidemment, ce qui m'a beaucoup retenu, frappé, parce qu'on s'intéresse toujours à son propre cas, c'est que l'éditeur de cet ouvrage, comme vous pouvez le voir avec la vignette qui figure sur cette page de garde, c'est l'éditeur Prigent. Alors, il était tout seul, il avait un comparse, mais quand même, c'est principalement Prigent et Calvary. Voilà, Prigentis Calvarini. Voilà, éditeur parisien, si je me rappelle bien, voilà, ex officina Prigenti Calvarini, et Elgemina Skipas, Tim Clauso Brunello. Et en bas, voilà, voilà. Donc, ça, ça crée des petites rencontres qui sont pas signifiantes en tant que telles, mais qui créent du désir, on va dire. Voilà. Alors après, plus banalement, on a extrait des collections un tome des œuvres de Rabelais en choisissant le plus ancien qui figure dans les collections de la bibliothèque. C'est un volume de, publié en 1741, donc c'est d'ailleurs bien après l'époque de Rabelais, voilà, le frontispice. Je n'ai pas particulièrement consulté, mais qui m'a poussé à aller relire tout Rabelais, ce qui prend un petit peu de temps parce qu'il y a des problèmes de langue quand même. Mais bon, je vous y invite. Ça vaut la peine d'y consacrer du temps, surtout quand on voit ce qui se publie couramment. Voilà. Et puis, tout d'un coup, tilt, j'aurais pu y penser avant, mais je suis avisé que le prénom de Rabelais, comme chacun sait, c'est François. Voilà. En Bretagne, en breton, en Bretagne d'où je viens, comme certains le savent, François, ça se dit Fanch, que le diminutif de Fanch, c'est Chino, que Chino, comme quelques-uns peut-être le savent aussi, est le personnage central de quelques-uns des livres, côté roman en particulier, que j'ai publié récemment, ce qui m'a tout d'un coup... illumination, comme ça, enfin, Claudel derrière son plier en plus profane, que finalement, ce personnage de Chino, qui est un peu un alter ego de Christian Prigent dans les livres dont je parle, j'aboutissais à une formule qui était ego sum Chino, bon, Chino, et si ego sum Chino, anch'io son Rabelais. Et voilà, à partir de là, ça fait peser une responsabilité lourde, mais on peut quand même enchaîner quelques petites choses sur ce plan-là. Et puis, dans l'enthousiasme de cette découverte, je me suis souvenu, mais vous en souvenez aussi, qu'il y a un homme de fer. Alors, cet homme de fer, c'est dans un conte de Grimm, qu'il y a un homme de merde. C'est un peu moins connu, mais c'est dans un texte de Christophe Tarkos. Et puis qu'il y a aussi un homme de livre. Alors pas un homme de livre au sens que quelqu'un qui serait amoureux des livres, passionné par les livres, mais un homme vraiment fait d'une matière de livre. Voilà. Et ça, c'est un tableau peint très peu après, une dizaine d'années après la mort de Rabelais, un tableau d'Archimboldo. On va le voir, le voici. Bon, ce n'est pas le plus connu des Archimboldo parce qu'on connaît plus les tableaux faits à base de légumes, de plantes, etc. Mais bon, celui-ci est quand même très remarquable aussi. De ce tableau, j'ai fait un petit relevé. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. La bibliothèque ferme ses portes en 30 minutes. Si vous souhaitez mettre des documents de côté, et donc, les petites numérotations que vous voyez là en rouge correspondent aux diverses parties du texte que je vais vous lire. Voilà. C'est-à-dire, il y a une partie qui concerne la tête, disons, ensuite 2 c'est la bouche, 3 c'est le gosier, 4 c'est la place du cœur, et 5 c'est le ventre. Vous remarquez que l'image est coupée un peu malheureusement quand on pense à Rabelais, parce qu'il y a ni sexe ni cul, et quand on parle de Rabelais, c'est... C'est un peu dommage, mais enfin bref, on en restera donc là à ces cinq parties. D'abord pour ne pas vous tenir le crachoir trop longtemps. Voilà, donc la première partie concerne, se situe au plan de la tête. Alors la tête en principe, c'est pas toujours le cas, mais en principe c'est là où on pense. Voilà, bon, ben, certain, en tout cas. Donc là, je vais vous lire plutôt façon, pensif, hein, j'allais dire universitaire, mais pour ces personnes. Donc quelque chose d'un peu plus théorique comme cela, qui essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles je m'intéresse à Rabelais, en fait, et les raisons pour lesquelles je crois aussi qu'il est, il est bon aujourd'hui de s'y intéresser et d'y revenir. Donc le premier point, c'est que bien la littérature française, enfin l'histoire de la littérature française, l'ambiance générale de la littérature française, et il faut bien dire que jamais elle n'a digéré Rabelais. Rabelais, en fait, lui est toujours resté là, dans le gosier, et que tout ce qu'on a pu faire de divers côtés pour résorber cette difficulté, hein, Rabelais, le bon vivant, la gauloiserie, la scatologie, les obscénités, la rigolade, voilà. Rien de cela n'est parvenu à dissoudre cet obstacle. Et il me semble que c'est lié, pas trop au détail de l'écriture de Rabelais, mais à la posture d'écrivain, à la posture intellectuelle que Rabelais représente, voilà, à cette posture elle-même. Parce que cette posture, me semble-t-il en tout cas, contredit d'une manière radicale à peu près tout ce que le monde littéraire, enfin la vie littéraire, disons, et en particulier la vie littéraire d'aujourd'hui, entend par littérature. Alors sur quelques points que je vais détailler en essayant de ne pas être trop long, mais qu'il faut détailler quand même. Le premier point qui est d'évidence, bien que ce ne soit pas souvent cela dont on parle d'abord quand on parle de Rabelais, le premier point c'est que l'écrivain Rabelais, et non pas le philosophe, le penseur, l'essayiste Rabelais, mais l'écrivain Rabelais est de plein pied dans l'histoire, l'histoire de son temps bien sûr, et que ses écrits développent d'une manière frontale une analyse et une critique des savoirs et des croyances de son époque. Tant, et là je le cite, hein, tant, dit-il, en ce qui concerne notre religion, que aussi l'état politique et la vie économique. On dit, voilà un écrivain dont le projet est de se livrer à une analyse, enfin, une dissolution, à une violente critique des croyances religieuses, politiques et économiques de son époque. C'est courant, parce que on appellerait une autre époque un écrivain engagé, mais c'est d'un certain type d'engagement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la vitalité intellectuelle de cette critique, la force de cette critique, agit, quand on lit Rabelais, c'est une expérience qu'on fait constamment, agit dans le mouvement même du poétique, c'est-à-dire dans le mouvement même, dans le tracé même de l'invention verbale. Elle implique l'invention verbale. Dit autrement, si vous voulez, la vitalité intellectuelle dont je parle, la vitalité critique, elle est à la fois la cause et l'effet de la jubilation stylistique, la jubilation carnavalesque qu'on dit souvent à propos de Rabelais, sans solution de continuité. C'est-à-dire il n'y a pas d'un côté un objectif critique et analytique et de l'autre côté un objectif d'invention de langue. Les deux sont intriqués constamment l'un à l'autre dans un même mouvement d'allégresse inventive. Très rare dans l'histoire de la littérature, très rare. Voilà. Ou dit encore autrement, le travail de la langue, évident chez Rabelais, hein, est la conséquence de l'action pensive, et l'action pensive est portée par ce travail et lui fournit ses raisons. Le point important pour moi, c'est que jamais l'un ne va sans l'autre. Jamais l'un ne va sans l'autre. Le troisième point, qui me tient à cœur aussi, c'est que Rabelais, et là c'est une formule de Rodin que j'aime beaucoup, c'est une formule de Rodin essayant de dire ce qui caractérise les très grands artistes. Rabelais a une âme de foule. Âme de foule, je crois, la formule magnifique. Bon, pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire, mais voilà. Il a une âme de foule, c'est-à-dire il a l'amour du peuple. Voilà, il a l'amour du peuple, mais ce n'est pas un amour comme ça, purement déclaratif. Il a l'amour du peuple en tant que diversité, en tant que pluralité, et en tant que diversité et pluralité parlante et pensante. Voilà. Pas courant non plus hein, dans l'histoire de la littérature française. Alors cet amour-là, cet amour du peuple, ce côté âme de foule, conditionne une mobilisation polyphonique de la pluralité des parlers, c'est une caractéristique des premières qu'on voit quand on lit Rabelais. Alors tous les parlers, quand je veux dire les parlers, tous, hein, populaires, régionaux, argotiques, philosophiques, juridiques, théologiques, artisanaux, savants, techniques, médicaux, bon, liste évidemment non close. Mais évidemment, pour résoudre, c'est ça la magie stylistique, hein, pour résoudre cette polyphonie, cette diversité des parlers, dans une singularité stylistique violente, voilà, autrement dit dans une invention de langue, la langue de Rabelais, sa langue à lui. C'est pas si facile que ça à penser, hein, dans un monde où quelques écrivains qui ont une visée sociologique critique, par exemple, l'ont généralement avec à côté une revendication radicale ou une incompétence radicale à inventer un style. Quatrième point, donc ce que j'appelle invention de langue égale travail ostensiblement formel. Travail formel, aujourd'hui, ça n'a pas bonne presse. Hein. Formaliste, dans la bouche de la plupart des gens qui s'intéressent à la littérature aujourd'hui, c'est une critique, hein. c'est une moquerie. Donc, par contre, dans la littérature de Rabelais, le travail formel est ostensible, étalé, montré comme cela constamment. Alors, bon, ce travail formel, vous savez ce qu'il en est, hein, les jeux de mots, les listes, les litanies. Je cite ça aussi parce que dans ce que je vais faire après, ces formules-là sont reprises. Hein. Donc les listes, les litanies, les contrepétries, les pastiches, les parodies, les proverbes mis à l'envers, les chansons obscènes, les utopies marrantes, les voyages extraordinaires, les dialogues philosophiques, les scènes burlesques, les fables grotesques, les fanfreluches, j'aime bien ce mot, ornementales, les monstruosités allégoriques, la scatologie surjouée, toujours, le mauvais goût assumé, les rigolades goguenardes, enfin le contraire par exemple de ce qu'on appelle l'humour. Si on synthétise, ça veut dire non aux langues mortes, non aux mots épaves, dit-il, mots épaves, mots espaves, même si on veut. Oui aux vivants, alors il dit par exemple, ça c'est dans le quart livre, oui aux paroles voltigeantes, volantes, mouvantes et par conséquent animées. Oui aux vivants, c'est-à-dire oui au dégel ludique des paroles figées par l'idéologie, par la morale, par la domination religieuse et politique, par le lieu commun socialisé. Pour conclure ce tout petit paragraphe, une formule de Victor Hugo, qui n'a pas écrit que sur Notre-Dame de Paris, Victor Hugo sur Rabelais, je trouve la formule absolument magnifique, comme souvent chez Hugo, Rabelais, le masque de la théocratie, ça c'est le contenu, c'est les cibles, regardé fixement par le masque de la comédie. Ah, c'est l'opération cyclistique. Cinquième point, pour le plaisir, une petit paragraphe d'un texte de Valère Novarina qui figurait dans ce numéro de TXT consacré à Rabelais. Rabelais entraîne très loin, très en arrière, très en avant de notre actuel français littéraire plat, linéaire B, très loin de cette petite langue française guindée de la radio qui est comme une petite bourgeoise qui s'étrique, un pauvre petit idiome laïque, un espéranto de plus en plus étroit. Une langue qui perd au moins un son par jour, une langue pour les sourds, pour des chanteurs cul-jat, pour des danseurs seulement bicordes, français civique, médiagogique, morse, inodore, plat, une langue de sondé, de docteur dicté. Fin de la citation, comme on dit là. Sixième point, puisque nous sommes en Sorbonne. Les rapports de Rabelais à son époque avec la Sorbonne, comme vous savez, ont été pour le moins difficiles. En 1523, et là, à ce moment-là, il est moine chez les franciscains à Fontenay-le-Comte, l'autorité sorbonale lui retire ses livres de grec parce que c'est l'époque où la dite autorité sorbonale refuse qu'on lise les textes de l'écriture, enfin, les textes des écritures dans le texte grec nommément. En 1546, la même Sorbonne condamne le tiers-livre, troisième volume du cycle de Rabelais. En 1552, toujours la Sorbonne censure le quart-livre, donc le quatrième volume du cycle. Pantagruel, le personnage de Rabelais, ne voit en la Sorbonne, je cite, que punais lac puant. Et pour Rabelais, la Sorbonne est toujours une cible, partout il attaque, alors c'est des formules de lui, hein, les maro-sophistes et les maîtres théocrates, ou quand il s'énerve un peu, les sorbillants, sorbonagres, sorbonigènes, sorbonicoles, sorboniformes, sorbonisèques, niborcisants, borsonisants, saniborsans, etc. La liste n'est pas complète. Magnifique avec rappelé, c'est quand il a amorcé un thème, un sujet comme ça, l'orgie de vocabulaire se déclenche, j'ai beaucoup plus ça. Septième point, donc à partir de là, la question, enfin ma question en tout cas, c'est quelles seraient aujourd'hui les cibles de Rabelais. Voilà. Développer un peu longuement, mais on peut dire sans trop s'avancer, sans prendre de risque, il y aurait au moins deux cibles d'évidence. Un, première cible, les intégrismes puritains, les catholiques comme les islamiques, ce qu'il appelle lui les théocratiques acariâtres, voilà, les énervés, quoi. Ou plus banalement les bigots, les cagots, les cafards, en bref tous ceux qui n'entreraient pas à l'abbaye de Thème. Deuxième cible, l'omnipotence de la finance. Ce qu'il appelle, lui, alors ce sont des citations, hein, les usuriers chicheurs. Puis alors cette formule quand même incroyable, les mangeurs de peuple. Voilà. Les politiques picrocoliques, c'est-à-dire ceux qui sont lancés à la conquête des marchés. Et bien d'autres, comme disait Bernard. Voilà pour la pensée. Maintenant, la pratique. Donc, on en était à 1, je passe, on descend un petit peu. 2. J'avais pensé à apporter une bouteille de vin, ça faisait plus rablaisien, mais c'était un peu surjoué. Encore que le vin aurait pu mourir parce que on n'est pas bon en tout. Donc chapitre 2, bouche. L'or vint chinois en asphalage au pays de Bouche. Là sont belles cités Saint-Laringue et Saint-Faringue, luettes sous palais, fouillis les cordes. Ils sont nommés inhabitants Gorgibus, car bien repus. Item financière, vu que tout de fiant de picaille en braine. Voir capitalique, boursicocole, cac quarantard, boursisouillon, capitogène, boursiforme, capitalec, boursicacou, colibourssage, boursonicant, Ranticarastre, boursonisant, saniboursant, mondialisteur, globalophage. Lesquels chantaient sur leur perron leur psaume en se rigolant du manant. Chanson des Gorgibus. Des stock options plein la braguette, matelas d'action pour la ronflette, liasse de bifton sur la tablette, 40 caca dans l'oreillette, un parachute au-dessus de la tête, pour ce goberge et si ça pète, vive les pépettes, vive les pépettes. Là commence chinois à penser qu'est bien vrai ce que l'on dit, que la moitié du monde ne sait comme l'autre vit. Nul de nous n'a maison là où son palais des en qui Gargamel l'écu, lequel pour nous honte ne trébuche, sauf les rogatons. Item nous casse oneille le boucan des paroles d'écu, ces chants de coucou dans le nid d'autrui, zinzin de frelon bon à zéro miel, pisseur aux gazettes et bonimenteur foireux. A donc, de propos disseux, n'entendit chinois que quick, vu que ne sait parler en bas latin du corps business, en agglutiné team building, en flexionné du starting up, en connectique cunéiforme, en script de points 1, 2, point 2, En que t'es du bottom up, en up to date de bottom down, en espéranto des rentiers, en haut saxon du consulting, en crack bégayé du feedback, en disruptif du lobbying, en estructon des open space, en prosodique des flux process, en bas breton de search engine, en petit nègre du to-do list, en moyen François des médias, en ovlangon dérégulé, en acromique SMS, en charabia de HEC, en espéranto de cabinet, en macronique macaronique, en néantique macronique, en verniculé des CA, en linéaire A, B, C, D, en B, A, B, cara octet, en ougro final des bénètes, en moyen plus anglo-normand, en pariglotte tubérisé, en gaffadoc, en gaffadoï, en globi globa googélien, en sapir babel de globiche, en pit de pigeon pékinois, en kanjigolier du nickel, en pindarite de la pistole, en zinzinulé du business, en largongie du boursicot, en argondu des caïmans, en javanais d'avosavien, en loucherbem de débouché, en pâteau défiscalisé, en loquace des localiseurs, en cocktail place de la monnaie, en lingua franca de Singapour, en Rothfels Bundesbankable, en sangslamé des Bahamas, en monotique de Monaco, en créolé capitalique, en inclusif picaillonnable, en trafiqué des tricotés, en tripoté du financier, en tric-tracoté de Jersey, en luxembourgeois luxatif, en herméneutrique helvétique, en morse de bourse, en bourse de frac, en fric cursif, en fric frac. Bref, Chino est nul en langue. Chino est nul, chapitre 2. Bibliothèque des Gorgibus. Chino n'a pas lu le manuel des arnaqueurs. Des modo wikini entubendi. L'éperon de détaxation. Les évasions fiscales célèbres. L'apparition de Sainte-Nitouche à François Pinault. Le machefin des financiers. Les fariboles de CAC 40. Le bréviaire du petit porteur. Cacatorium financialé. La recette de profiterole au gras. Le pilote d'exploitation. De populo enculendo. Carlos gone with the wind. Dignité des traders. La couille du promoteur. Deusu et utilitate concurrentiae nicendae. Abracadabanca, roi des escamoteurs. Les lamentations de Steve Jobs. Multa paucis, suivi de pauca multis. Transfert de la bourse en Panthéon. Le patenôtre de Boursicot. Péripicaillonne. Amour, gloire et dividende. Du dégraissage des personnels. How to fuck folks. Métaphysique du ruissellement. Le bescu des prolétaires. La comédie des édentés. Apothéose de Bernard Arnault. Comment s'enfler le portefeuille. Le pont aux ânes de profit. Bolloré mon adoré. Le capital pour les nuls. Le catéchisme de PME. Des politico houssous, Perlin Pimpini Poulouéris. Jupin, l'ami des biens. Abrégé de géographie délocalisée. Etc. Etc. Chino est nul, chapitre 3. Les jeux des Gorgibus. Chino ne sait pas jouer. À tout pour qui a tout. À rien pour qui n'a rien. À ding ding dong, à moi le pognon. À stock le coq sur les options. À chic sur niquet du niquet. À schlac sur claquet de 440. À délocalisme, délocalise-moi. À domino, la grosse cagnotte. Au loto plus, des biens lotis. À qui bosse plus, gagne encore moins. À fait les cornes, à qui bosse pas. À cul de perché sur le prolo. À carreau sur celui qu'on pique. À bouffe du cœur si t'as plus de steak. À bouffe du trèfle si t'as plus de cœur. À chaume-le-du contre chaume-wen. Au monopoly chez les grecs. À bubble shoot sur le manant. À canon ball sur la manif. À fuck le sans-dents. À il court le migrant. À toucher couler sans papier. Au mille bandes sans rien à bouffer. À 1, 2, 3, cuisson et cagnard. À 4, 5, 6, zodiac percé. À tralala, crève en fourgon. À tralalère, gel en camion. À t'es foutu, calacalais. À mani coincé dans les Alpes. À si t'es syrien, t'es capot. À éthiopien, dans le pétrin. À échec et mat au malien. À soudanais, va au ballon. Au casse-boîte sur sénégalais. Au mistigri des bons pouilleux. Au kilo de mer pour l'immigré. Au cluedo des barbelés. Interlude. Chanson du marchand de trous. Je suis le marchand de trous, j'en ai pour tous les goûts. Ce au pied de Jésus, je l'ai lui ai vendu. Ce des mains aussi, du fond du paradis, il m'en remercie. Je suis le marchand de trous, j'en ai pour tous les goûts. Suis du cul du diable, Celui du cul du diable était misérable. Je l'ai refait à neuf. Ça fait un effet bœuf. Ça fait un effet bœuf. Quand il pond son œuf. Je suis le marchand de trous. J'en ai pour tous les goûts. Celui du souffleur trompait les acteurs. Vite que ça saute, vite que ça saute. J'en ai mis un autre. Ils ne font plus de faute. Je suis le marchand de trous. J'en ai pour tous les goûts. La croûte du fromage. La croûte du fromage. Lui portait ombrage, d'où que pour qu'on plaire à la fromagère, à la fromagère. Je fis le gruyère. Je suis le marchand tout, j'en ai pour tous les goûts. J'ai créé le con, le neuil et l'oignon. J'ai créé le con, le neuil et l'oignon. Louis et le naseau, puis le troupard. Louis et le naseau, puis le troupard. Puis le troupard où on va tous au tout. Au bout du bide, au bout du bide, au bout du bide, au bout du bide, tout. Donc, chapitre 3, gosier. Gosier, c'est par où descendent les liquides et les nourritures. Donc, l'image, c'est la dive bouteille. Aussi. Il apparaît surtout dans le quart et le livre et le cinquième livre. Mais bon. Or fuit Chino Asfarage ou tout cacophone. S'en revient à ses lieux d'enfance. C'est au plou fracant laisse Saint-Brieuc. Là sont les zones. On y voit cubée en béton la plutocratie qui fait rutiler Bouffetance, la Futio et Arménager pour nous allécher de lubricité. Avance, Chino, traîne pas la patte à cause d'angoisse que rien ici ne reconnaisse. Au haut du tertre, stop. Et scrute. À contre-spot du soleil ponant, faut cligner. Cligner, c'est pas loin de clore. Clos. Néglige ici maintenant qui à tes pieds s'étend. Laisse ce ciel moderne aux oiseaux blancs du bec. Oublie le prochain. À toi l'amour des lointains. L'instinct des cieux non haut, mais à jamais plus bas. Car croupi en toi, vu que là, depuis les temps de René Coty, puis du général Lorrain en képi qui nous a compris. Tout vu en rétro, ah ah, comme c'est beau. Nymphe circonférent, tout rose bonbon en celluloïde. Dedans, nylon, bleu, palichon. Les irisations parme et saumon, c'est Phébus qui bave d'envie sur les verdures. Plein poumon, gobon iode et H2O au son du flutio. Vive vastitude, aération, toute hygiène, les bonnes odeurs, la campagne qui fleure, abondance d'oignons, le pommier à cidre depuis Louis XIV, les bestiaux sympas et les bons produits sans additifs. Et cette sorte de lenteur, genre patriarcale, qui vous communique tranquillité et sens de la beauté. Car nature fut là, juste après le seuil en forme de campagne, à ces époques-là. Nature, elle s'étend, elle n'a rien à faire. Elle attend que ça passe, mais sans besoin de savoir quoi passe. Elle pipe pas mot, sauf en parler osio. Elle glande sous ses chaînes avec les cochons. Elle baille du fossé. Par son trou paludique de fesses, elle pète des nimbus odoriférants. Elle est grasse, gironde, gavée au boudin sanglant et au miel toute fleur. Humide où il faut pour que ça émeuve le sylvain en bottes. si quelque chose pense en elle. C'est la sorte de chimie de vin cuit, dite sève. L'imbécile glucide, le protide idiot, la chlorophylle brute qui monte et qui descend sans se poser de questions, et l'activité hyper automatisée des viscosités. Si elle parlait, ça ne serait pas comme fille au jardin à l'adresse de Madelon, notre seigneur horticulteur. Elle dirait « touche-moi ». Surtout aux mamelles, car c'est d'abondance que sont leurs rondesses gorgées. Gobe-moi la mouche à faire le sublime, le nez au nuage. Penche-toi vers moi et fais hommage de tes doigts à sillon fondu et gazon mouillé. Mais laisse-toi pas, Chino, dégouliner niais. Car en ces temps-là, de même quand ceux-ci passent, surimprimé sur ce fond de base rayé de poteaux d'électricité, tant l'agriculteur à soc brise-motte que l'aviculteur de chair comestible et que l'éleveur de viande sur pâte. Tous, ils sont joyeux de pouvoir noter que le temps fraîchit, car pluie qui promet, ça va 1. Faire pousser la graminée, 2. Faire le plus de graminées culminer plus gras les taux en bidoche. Ils savent que c'est un atout pour la production. Mais ça pousse encore plus en taux si petit plus de coups de pouce d'engin. Tracteur babiole, botteleuse masset, véhicule vendeuvre, voiture à betterave siglée Ferguson, bétaillère berliette avec Oridel, la pub Hollywood comme au Dakota. Et pas bien loin, au loin, le train pyromane qui de bon matin à mi-chien, mi-loup s'en va aux fabriques livrées pour 100 doses potasse et phosphate et crache son poussier dans les bronches du talus asphyxié. Sur petit tendeur en queue de convoi, voit s'entasser cuves et tonnes. Dedans sont les poudres à tout zigouiller côté hanneton, doryphore, sauterelle, cousin et puceron. D'où du gargouillis pas loin de famine pour la sauvagine qui cuit-cuit qu'elle claque sévère du bec. Mais même pas besoin de bec pour claquer. Toute faune à hure ou à museau, tente à zéro patte, rampante, qu'à quatre, rebondissante, pompe dans l'étang sa mort, vu qu'on la pourrit à l'urée de lisier ou au jus de plomb de moulin de camion. Tu peux maintenant les rouvrir. Tes yeux. Fin du flashback. Observe et désole sur Ibi et Nunc. Jadis, les fumiers au bord du bocage. Astor, fumier et bocage proscrits à 10 km par des UP, ZAC, ZEP et ZI, identiques à celles de tout autre trou ou bled de Dunkerque à Tamanrasset via ex-cocaïne ou Eldorado. Là, plus que le flot de la marchandise et les gens dessus qui guettent les gondoles. Tout près, la gondole va voguer sur des rues vidées de saumon mais plein à ras-bord de salmonellose. Autour, le nimbé de pesticidés sur la peau des champs et le chant des piafs tous devenus cygnes qui clabotent en troupe dans le gaz méthane que flatule le bœuf qui vesse sans penser. Après, c'est le nitrate. Il coule des lisiers comme le mazout des soutes de la mococadis, ô maudit caca. Sa fille, l'algue verte, nourrie de cette manne, bouche tout des estuaires qui filaient aux grèves, mais ne file plus que sous croûte puante de laitue qui tue même le cochon s'il y fourre son groin de sauvagerie. Si elle file quand même, c'est pour déverser dans la flaque de manche où tu bronzes ta couenne à l'hydrocarbure après que t'as oint ta pâte oxylème qui sauce ton compost. Écoute, le maquereau, or inconsommable, mais pêché quand même, calette sur le quai. Écoute le lombric, chieur de terreau, qui végétative dans les ergastules au fond du jardin, car il n'a budget ni petite patte pour fuir, fouir ailleurs. Et deux, prends pitié avant que de nous. Ils disent, en agonie, là où est gène, benzène, où est-il benzène? Il n'y a plus de plaisir pour Jacques Bonhomme, mais hausse des taux pour M. Monsanto, et du plus de total en stock pour son pot de total. Or, pensa Chino fort, en l'intérieur de son fort. Quoi fout-on là à tout saloper des mares, criques marines et atmosphères, avec des mazots de gras, du nitrate en sac et du COD échappé des pots ou du cul des vaches. En gros, on nuit. Point barre. Devrait-on pas plutôt câliner la flore, dont l'ortie, la ronce, la ciguë et le muguet vicelard? Louanger la faune, y compris la règne, le thon, la tique à lime, la mouche merdique, le frelon xénophobe, le mosquito dingo, la cigale assourdissante et le raton pesteux. Honorer nature, mère de vie de tout, misère, scarlatine, massacre massif, torturation, terreur blanche et peste noire inclus, et pas lui pisser nos sirops de merde dans les eaux. Plus adorer terre, qui ne ment jamais, qu'humain qui la souille avec des tracteurs, fils de Descartes et de technique, et leurs pétarades, filles de Prométhée et de raison dégénérée. Voire mais, se dit Chino, non ainsi ne pense Vitalistar, naturophile, verdurophage, naturolâtre, intégrisou, puripétain, hygiénomane, front nationaux, zeste nazilleur, cinglé du dieu en herbe, en bois, en sang et en bouillasse, manifesteur pour tous. Ravage-t-il pas quand mère nature gît toute valeur? Que vie n'est ailleurs qu'en girondicelle? Que rien qui ne fasse à elle dévotion n'est digne d'humain? Que tout qui proteste contre elle est maudit, et qu'on le rôtisse à vif au bûcher? Cordure et blasphème sont ainsi IVG, PMA, GPA, etc. Qu'action civique et politique c'est pour vie et nature défendre? Ils se ne vivent qu'en rond dans l'œuf et la goutte de sperme. Ils ne pensent qu'immédiatement avec la terre. Ce sont des chiens. Japperais-je en cœur avec leurs abois? Que nenni. Ah, que non. Que nenni. Que non. Sauf qu'est vrai pourtant que humain perturbe. Toi, moi et autrui, tous pris du saccage et voués à pareil par la destinée même, on aurait dû arrêter la ponte après Cro-Magnon. Là donc, ferait mieux humain de vider carrément les lieux. Bref, au mieux serait comme débarrasse de nature le plancher, ou que tout ravage, démolit, asphyxie, poisonne et empuantit. Hop, on s'éteint. Joie de bio, liesse de zoo attire l'arigot. CQFD. Cela est-il possible, ô chinocrate? Chino, non. Car si plus d'homme du tout, ni ne serait nature non plus, vu que nature ne vient qu'à homme en son pansement, sinon on s'en fout. Autre version. Primo, nul ça ne peut penser sauf celui qui pense. Or, celui qui pense, le même qui cochonne la matière superbe de stupidité. Si plus là le cochonneur, personne qui sache qu'il fut, est et sera tuant et salopant. Deuxio. Prendre congé serait pousser bouchon un peu loin, vu qu'on n'a pas d'autre lopin. Personne qui veut ça, même qui aime les puces, plus que les messieurs dames qui gratouillent dessous, même qui pose sous la bougie en chanvre Hélène Vierge, même qui méprise gaz de ville, sulfate et nylon, et vend cher le navet, même qui locavore qu'en équitable longitudinal suivi. Donc, en conséquence, véritablement, qui nous bassine avec le propos, il cause pour peu dire, pour redemonter sur des préférences accordées aux chiens plutôt qu'aux congénères, et mieux qu'au chien à la pomme de terre, et plus qu'à la patate au caillou. Or en vrai, Nenni. Ergo, ça vous arme méchant le neurone, car là où est le hic et J le lapin, c'est que dire que mieux vaudrait qu'on s'absente, c'est avoir raison tout en ayant tort. Qu'entend reparla exactement du moins au Chinomathès ? Chino, qu'à la fois c'est vrai, selon l'évidence ric-rac du bon sens, mais que mêmement c'est n'importe quoi en vie vécue vraie, donc égal zéro. Avec un trou noir de marre de pensée au milieu gênant de cette à la fois. C'est topiquement merde de ratiocinaille. On barbote dedans, sans rien qui nous sauve pas loin de noyade, et plouve dans l'obscur. Et où donc irais-je ? Pendant ces longs temps anthropocéniques, me cacher des rôles d'extermination pour penser, sans ma pensée y tout, exterminer. Interlude. Fable contée par Chino. On allait au bord de la mer, de pic bloqué dans la pourriture. Qui salopait les embouchures. Avec papa, maman et Fred, ma sœur. Et c'est qui passa le guet en sifflotant décontracté dans ses bottes en caoutchouc. Le fils, l'air qui s'en contrefou du roi des ploucs. Ô fils du roi. Fit la bergère, ma sœur. Amis de la super, bio, sympa, 100% pure, hyper-oxygénée nature côtière. Ô fils du roi, tu manques de rien, surtout pas d'air. Comment qu'on fait pour se baquer ? Le biotope est cochonné et nos congés. Tout saboté par la laitue. Lors, dit le prince à la gonzesse. Qu'elle se mélasse de ses fesses. Car qui goberge le porcelet en se léchant les doigtelets ? C'est elle, c'est elle. Or si profite le cochon, le rupitou de son étron. Et si ça grève pas ton budget, vacances comme viande le goret, pas vrai ? C'est par miracle. Industrieux, c'est par miracle, industrieux, et qu'on foute la paix aux gueux. Car si tu veux sucrer ton bec, faut déguster la sauce avec au nitrate. Au nitrate. Au nitrate. Alors, chapitre 4, cœur. Cœur dans le sens cœur de l'action. In medias res, comment dire, en cuistre. Tagada, tagada, v'là les légions du guet avec la rondache. L'escopette LBD. La couleuvrine à flotte. Le grenadon à gaz. Ça fait soin-soin sur le bitume. Tout autour, il y a de la fumée. C'est rigolo, mais ça picote les yeux. Chino. Où donc ils vont, les rentemplants ? Qui dame ? Au rond-point, où muse le manifesteur parmi les canettes et les banderoles sur la langue dégueu. Tu vois pas là-bas fumer les saucisses cuites sur du tison dans les barbecues avec les galettes ? Chino, c'est qui le flandrin qui crache du furieux parmi le tumulte sur son véhicule papa mobileur avec les tuyaux derrière qui aspergent comme orgue de Staline tout le biotope ? Qui dame ? Vois la casquette à plat à laurier, c'est Picrocol 2, préfet en DEM22, proconsul de Jupiné, roi des Gorgibus. Chino. Il s'approche. Voyons ce que font, oyons ce que disent. Les gueux. Fini débat, basta babas, vive le boucan, passe au boxon. Proconsul. Au mégaphone. Patience, la roture. Bientôt, après calandre grégeoise, la manne ruissellera de nos opulences. rendez grâce, brèche dents, au pied, et que bec mal décrassé close. Les gueux. De vos dons n'avons cure, boire voulons aux sources, l'or que jaillissent des nappes par pertuis phréatiques, fontaines, cuves, bailles et lavoirs. Elles sont nôtres, car les avons de propres pattes, à sueur de front excavées et curées, non vous, qui glandes bulouillées au sec, aux altitudes, le cul sur le matelas d'aigu. Victor Hugo au ciel. Quand la foule regarde les riches avec ces yeux-là, ce ne sont pas des pensées qu'il y a dans tous les cerveaux, ce sont des événements. Ça vient d'injustice, d'où que se pique colère. Colère comprend violence. Violence, ça casse par où ça passe. Non à qui casse, oui à qui pas. Bavasse de qui casse à longueur de temps la couille au manant. Et voudrait surtout que rien, onque, ne change de la grande casse qu'est monde, comme il va pour les déclasser. Proconsul. En grand courroux à son centurion. Ces gens sont sourds de rébellion. Faudra leur coller du baillon de scotch pour leur assécher le parlement du caquet. Ou qu'on leur casse l'os de jambe au tribard et que n'aillent plus ces vies d'âne que clopin clopinant de clopinerie avec les bancroches et maudits bossus aux zones à cabosser de vie. Et que la rue traverse en clochant le ripaton entre les berlines à quatre roues motrices sans qu'elles les écrasent pour mendier du job si tant qu'il y en a. Centurion serre les fesses. Affirmatif, crevons-leur le cul. Si, leur transcoulera le vent aux chausses. Mais nos varlets les leur nettoieront à la crème de pub, puis leur shampooineront le moule à bonnet au télésavon et feront leur cerveau bon à tout gober. Proconsul. A donc qu'on leur plante l'embu en fontanelle et verse S-cervellon la vraie vérité. Ce est que rien à faire, que rien à changer du monde comme il va. Et qu'ils taisent leur gueule sans plus se regratter impotamment le pansement avec de l'aigre pas content de non-fortune et mauvais sort. Mais j'aperçois aucun dit ceux qui viennent contre nous à la foule et donnent fièrement sur nos gens. Serrons-nous ici et tenons la place en bon rang. On voit rien dans tout ce smog que font nos soudards pétardants. Qui sont ces Jacques ? Expert Bondiou, prêcheur décrétaliste, de loin, du haut d'une tourelle. Ce sont vilains, mais moyens moins. Pense qu'à la panse, digne que sous, bureauteur de Nico, rouliers à gaz, pousseur à la soupe, encaisseur de boutique, pavillonniste, barbe cupide, troisième âge pas loin du 4 de péremption. Veulent juste squeezer la dîme et qu'on leur détaxe la carbure à bécane. En vérité, je vous le dis, renégat de cœur, apostat des reins. D'aucuns progardent les fils de Solide, tels agonise le mort qui pique les bouleaux. D'autres conchient en gros les représentants. Plusieurs pistes raies des écotiers. Non loin sont acquis sous l'étoile, qu'on voit sans les taches de gras, orner les brochures pour éclairer la voie de révolution. Leurs pattes n'est blanche ni rouge leur cœur, jamais ne feront chanter lendemain. Qu'on les laisse foirer leur petit caca et lâcher leur paix sur leur toile cirée. Et why victis ? Centurion. N'a rien entendu. C'est du pas content qui braille du mauvais et salope nos casques avec des trucs chauravés aux pours échaussés. Proconsul. Dadais, Beaujard, Gobregeux, Goguelu, Claquedans, Boyer des troncs, Berger de merde, Trouditeux, Averlan, Limsourde, Friandeau, Bustarin, Talvassier, Rianovo, Floquet, Copieux, Pandore, Malotru, Dandin. Traduit en moderne, messieurs. Comme dit ministre Castagneur à ses castagnettes. Voyous, factieux, haineux, brut, chien émeutier, assassin. Oui, da, rien que punais dans leur gargote. Ça sent loin, les petits nains. Que ne la boucle et ne rumine dans leurs étables. Quelle furie les émeut, et ce, sans en rien avoir été par nous endommagés, irrités ou provoqués. Où est loi ? Où est foi ? Où raison ? Humanité, bonne amitié, alliance de classe, peuple unisson, chacun en sa place et vache bien gardée. C'est compris corne, plus ne sont vous. Si sont en robe devenus que rue le guet à terre tout décasqué, c'est moche. Le proconsul sort ses jumelles. Mais de quoi donc sont-ils nippés ? Dondo sacu, pourpoint en peau plastique. Couleur de leur écu ? Chandor pipi à deux faces d'argent par riche. Quoi, gueule ? Propos de Trouara, parole de merde. Jupinet aux chiottes, Jupinot dégage. Quoi feront si Manu Militari, Isseux, Nescrabousillon ? Envahir hostilement place concordiale, arc patriotique et champs élyséens, saloper libercentre, amocher rue piétonne, péter vitrine même si remparée de contreplaquage, talocher de boxe le guet foutu à terre, rôtir carrosserie et gargote, foutre feu au Versailles de la boustifaille. Chino, une péto, que Fouquet Scram et McDopette, tant mieux. Vizir du cabinet. Pas tous, pas tous. Ivré à gauche, c'est du casseur. Bon grain à droite, propre dans les clous. Ici torchon, là-bas serviette. Gaffe à pas couper les oreilles aux carpes, c'est pas du lapin. Centurion, carpe qui filoche, lapin qui détale, c'est que ça a fauté. Pendant l'œil, basta. Choquerons-nous sur eux, messire ? Proconsul. Philosophant. Ce populo fait masse. On lui voit la substance. Or, la substance, supposition, appelle l'incident. Opposition. Ergo, on cogne. Ça leur ajustera la tête au bonnet. Bien mieux passeront sous portique SNCF ou fourche Pôle emploi. Qu'on leur lacrymogène l'open space au gaz estouffant, si cesseront leurs époumonnements. Qu'on cogne au bas-ventre, ça leur ouvrira le tube des couillons, d'où fluera le sang dont seront soulagés leurs rognons. Qu'on crève à moult un œil, l'armoiron parie celui et leur malheur, et par l'autre, verront le doigt omnipotent montrer la bonne perspective. C'est là où nous sommes pour leur gérer comme convient la vie. Si sera fait, messire. À moi la garde. Fendons mandibule, renfonçons dans esgueule, descroulons vos plates, rompons les grèves, déboîtons les spondyles, desgondons les ischies, débésillons les articules, empalons les fondements, saftassons à clous les poitrailles, piquons bidule dans les bedaines, ça les fera gambidouiller, car de la panse vient la danse. Exécution. Si ne suffisent gens d'armes et la maréchaussée, feront donner l'armèdre en grand tract de bataille. Vizir du cabinet, mais mollo quand même, ou notre troupeau, en ferait remontrance et les aurait en pitié le peuple électeur, dont cœur et rein sont par les instituts sondés pour éclairer les choix. Gardons-en aucun nom ou peu navré. Caillotez-les, dire nos clémences et se repentent. Après leur bailleront l'aumône de petits plus au budget. Si leur feront goberger les fumées, les fées enverront à la venue des coxigrues ou en semaine des quatre jeudis après les élections. Tout bénéf pour nous de poissons noyés. Et pour ceux mis à égoutter dans les hôpitaux, auscultation des penchants, prélèvement du tissu adipeux, chimie analytique et présentation du diagnostic. Sauront enfin, 1. De quoi il douille, 2. Pourquoi il rage, 3. Que rage douillée emmerde le monde, 4. Comment ruminer leur jus mauvais sans le dégorger au vu et au su, puis puce greffée sous la couenne pour expertiser l'effort intérieur en temps réel, et projo plein feu sur fond des neurones pour que rien ne pense sans qu'on soit prévenu. Et hop, on cravate en mode ludique interactif. Rideau. On va presque finir sur vous. 5. Chapitre 5, ventre. Chino tourne les talons, grimpe au haut du coteau, voit au loin prés et champs pourrir dans les fumigations derrière les gazomètres, et le reste de bocage cerné par l'industrie, amoché de chimie, génétruqué de l'organique, électrocuté au jus fugitif des panneaux voltaïques. Question. Quoi pousse encore sur ces dévastations qui feraient du bien par où ça passerait comme boostify? On va manger quoi désormais jusqu'à dorénavant? Du serpent piteux? Du sautillé de kangourou? Du merlan d'autruche? Du jus d'épinard radioactivé? Du thon à la croûte de sel de Becquerel? La tomate hors sol glyphosatinée? De la crème de crevure d'OGM? De la matelote de pelote de chat? De la gamette en bouc en confiote? Des boulettes de rat au sperme de chameau greffé sur le dos? Des séquences de gras de génome en croûte? Du sang de navet bio, chair, avec la terre? Du clone club de bouillon cube en pâte? Du steak de coulis d'oméga 3000? Du cyberlipide en l'encône alléché ou collé en patch. De l'huître en fast-food au miel de sarcelle. De la nouille au bouilli d'hyperprotéines en gel intensif. Du sac de cadavré, du magnédé, lyophilisé. Des petites pilules d'os recomposées. Du code-barre en barre. Des sucrètes de générique. Du glucide d'insecticide. De la capsule de tarentule. Du numérisé de surnuméraire en intraveineuse. Des gélules d'enzymes de chenille à la vanille. Du sel de nitrate en crotte, en cachou ou en berlingot. Du cactus d'élevage. Du label d'épi de barbe de zoétis suivi en fichier longitudiné par la faculté. Des galettes de trucs en tout sauf en blé. Des crêpes de farine de chien. Des crêpes de ça le matin. Des crêpes à midi de sucre de cleps. Des crêpes de tapioca de caca de cabot au goûter avec du sirop pur reconstitué au chlore d'H2O. Des crêpes de poudre d'extrait de caquette de bête à l'eau de javel pour le petit souper érotisé dans le salon particulier avec des yeux d'aran pasteurisés dedans pour tartiner les décolletés. Ou du pain de merde. De même farine en miche ou couronne ou bretzel ou foie, ficelle ou baguette, bâtard à pavot ou pogne au cumin, mais toujours en merde. Ou même que le pain, comme à Ézéchiel le promis Yahvé, on nous le pâtisse de l'étron qui sort de nos propres corps et qu'on s'auto-bouffe par économie. Voilà des questions. Mais nul ne répond. Le ciel obstine sourd. Chino reste seul avec comme ami l'avant qui le fuit, l'ici qui le cuit et l'endemain qui sent fort le roussillon. Finale. Chanson locavore. Suce les cailloux, mastique la boue, mange la terre. Ça vaut mieux grapper du gruyère sur les nouilles de Monsieur Leclerc. Pompe au pipi du rue, pour lèche les jus, picore la pica. Y en a marre du tapioca, merde à la mousse au chocolat, au chiottes Danone et Nutella. De goût n'en est guère que pour la poussière, le glaire, les matières élémentaires. C'est bien meilleur que les pommes de terre. Glyphosaté dans leurs ornières, on n'en veut plus dans nos soupières. Crache tes colères, vomi père et mère, emmerde dire tout l'univers. C'est mieux que confire dans le sirop, le jus d'hormones sur le gigot, ou la vache enragée de McDo. That's all, folks. Les deux chansons que Vanda vous a chantées sont sur des airs de Jean-Christophe Marty. Merci beaucoup. Bravo. J'en reste sans voix et cette ce texte complètement rabelaisien est complètement dans l'actualité et la critique. C'était un peu l'idée, oui. Oui, mais, et complètement fascinant, il me fait penser à plein de choses en même temps, ça doit être le but et l'environnement. J'avoue que c'est incroyable le livre en question en fait. La bonne nouvelle, c'est que Chino continue, quoi. Bah, au départ, c'est juste le truc fortuit que je disais. Hein. D'un coup, le tilt, Rabelais, François, et puis après, les choses s'enchaînent sur simplement cette petite rencontre, et puis l'envie de faire un peu à la manière, si on veut, mais oui, un petit peu à la manière de Rabelais, de proportion gardée, bien sûr. Hein. Je pense à quelque chose, j'ai discuté avec, vous connaissez Jean-Claude Pinson, bien sûr, qui travaille en ce moment, il publie des textes dans la revue Catastrophe, par exemple, et on ne peut pas parler d'éco-poétique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, ce sujet l'intéresse, et dans ce texte-là, je crois que vous avez eu des discussions, tous les deux, sur ce, comment, entre guillemets, traiter la question de la nature. Et tu t'empares de ce truc-là, en tout cas. Enfin, s'emparer, c'est un grand mot, mais... Oui, non, mais tu y vas. Je fais comme tout le monde, tout à chacun à notre époque, sollicité par ces questions. Bon, et frappé par la précipitation autoritaire des propos. Quoi. Parce que des points de vue écologistes, on en a vu par exemple beaucoup dans l'entre-deux-guerres venir du côté des droites les plus extrêmes. Non pas que ça veut dire qu'obligatoirement ce type de posture soit assigné à ce destin malheureux, mais au moins c'est une question. Au moins c'est une question qu'il ne faut pas laisser la pensée en repos. Qui ne devrait pas pouvoir laisser la pensée en repos dans la piété, dans le ressassement d'un politiquement correct, de simple bonne conscience. Alors, ce sont des choses. La question n'est pas celle des couples tellement, mais ce sont des choses que la littérature permet de faire. Que la littérature permet de faire beaucoup mieux que ne permet de le faire l'essai ou l'article à caractère toujours plus ou moins polémique ou l'intervention pensive. Quoi. Parce que la littérature, elle se réserve le droit de faire parler des figures qui ne représentent pas, qui ne s'assimilent pas à la pensée de celui qui écrit. Qui sont les figures de son questionnement beaucoup plus que les formes de son affirmation. Il n'y a rien d'autre que la littérature ne peut faire ça, sauf les dialogues philosophiques, modèle platonicien, qui finissent aussi par l'affirmation. Mais c'est pour ça qu'à la fin du chapitre auquel tu fais allusion, bon, le chino devient un chinocrate, le chinomathèse, c'est-à-dire devient une figure de dialogue avec l'ironie et l'hésitation que suppose aussi la posture dialoguée. Mais Rabelais fait ça aussi, hein. Il le fait de toute autre manière que ça n'est fait dans les dialogues de Platon, parce qu'il le fait d'une manière burlesque, mais il met ces mêmes choses en scène. Pour ceux qui connaissent un peu ce livre, par exemple, le tiers-livre qui raconte en tout et pour tout la question, enfin, comment dire, qui a pour sujet ce sujet qui a l'air dérisoire, qui est la question que se pose Pagnol, de savoir est-ce qu'il faut que je me marie ou pas, et si je me marie, serais-je cocu ou pas. Voilà, c'est mince comme sujet. C'est déjà mince pour un vaudeville ou une pièce de théâtre de boulevard, mais pour un roman épique, c'est une minceur presque dramatique, si je puis dire. Voilà. Mais sauf que ça permet à Rabelais d'amener le pauvre Panurge de chapitre en chapitre, face aux experts, ce qu'on appellerait les experts aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui, toujours plus ou moins auto-proclamés experts, disposent du sens. Disposent du sens, c'est-à-dire du sens dont ont besoin les pouvoirs pour s'assurer comme pouvoir du côté de la scientificité d'apparence rationnelle. Alors, les détenteurs du sens à l'époque de Rabelais ne sont pas les détenteurs du sens à notre époque, mais structurellement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire Panurge va voir quelqu'un qui lit dans les lignes de la main, il va voir un astrologue, il va voir un poète qui est censé délivrer des vérités oraculaires par l'intermédiaire des petits poèmes qu'il écrit. Évidemment, à chaque fois, les oracles délivrés par ces experts sont d'une ambiguïté suffisante pour que ça entraîne à la suite de la consultation de l'expert le travail de l'interprétation. Mais dans le travail de l'interprétation, comme si de rien n'avait été, se redisposent les croyances a priori de ceux qui interprètent. Voilà. Et donc, dans chaque chapitre, il fait s'effondrer, comme ça, mine de rien, l'arrogance de l'expertise. Alors, c'est ce à quoi, dans notre monde, nous assistons au quotidien, et en particulier sur les questions de climatologie, sur les questions d'écologie, mais sur les questions de l'économie, encore bien plus. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais par rapport à ce que je disais au début, encore une fois, c'est ce que la littérature permet de faire. Enfin, c'est ce que la littérature permet de faire, parce que dans le corps de la voix forcément unique de celui qui écrit, peuvent émerger et se diversifier la polyphonie des voix qui subsume en une seule, tout en étant pluriel, les figures diverses de son hésitation intellectuelle, c'est-à-dire de sa pensée. C'est-à-dire que la pensée soit une forme de l'hésitation, sinon on a peu de chance de la penser. Oui, mais c'est impressionnant la capacité que vous avez de passer de la théorie comme ça à une pratique poétique langagière. Enfin, vous le savez déjà pour avoir lu Ce qui merde ou des essais comme ça, puis votre poésie en parallèle. Et c'est très impressionnant et ça donne envie de continuer autour d'un verre de vin. Ça, c'est bien. De se délier la langue. Et quelques victuailles également. Très bien. Donc ça se passe dans la salle qui est à côté. Qui arrive. Thank you.